Frédéric, en se couchant, résuma la soirée. D'abord, sa toilette. Il s'était observé dans les glaces plusieurs fois. Depuis la coupe de l'habit jusqu'au nœud des escarpins, ne laissait rien à reprendre. Il avait parlé à des hommes considérables, avait vu de près des femmes riches. Monsieur d'Ambreuse s'était montré excellent et Madame d'Ambreuse presque engageante. Il pesa un à un ses moindres mots, ses regards, mille choses inanalysables et cependant expressives. Ce serait crânement beau d'avoir une pareille maîtresse. Pourquoi non, après tout? Il en valait bien un autre. Peut-être qu'elle n'était pas si difficile. Martinon, ensuite, revint à sa mémoire. Et, en s'endormant, il souriait de pitié sur ce brave garçon. L'idée de la maréchale le réveilla. Ces mots de son billet, à partir de demain soir, étaient bien un rendez-vous pour le jour même. Il attendit jusqu'à 9 heures et courut chez elle. Quelqu'un, devant lui, qui montait l'escalier, ferma la porte. Il tira la sonnette, Delphine vint ouvrir et affirma que madame n'y était pas. Frédéric insista, pria. Il avait à lui communiquer quelque chose de très grave, un simple mot. Enfin, l'argument de la pièce de 100 sous réussit et la bonne le laissa seul dans l'antichambre. Rosanette parut. Elle était en chemise, les cheveux dénoués, et, tout en hochant la tête, elle fit de loin, avec les deux bras, un grand geste exprimant qu'elle ne pouvait le recevoir. Frédéric descendit l'escalier lentement. Ce caprice-là dépassait tous les autres. Il n'y comprenait rien. Devant la loge du portier, Mademoiselle Vannaz l'arrêta. « Elle vous a reçu ?»« Non. »« On vous a mis à la porte ?»« Comment le savez-vous »« Ça se voit. »« Mais venez, sortons. J'étouffe. » Elle l'amena dans la rue. Elle haletait. Il sentait son bras maigre tremblait sur le sien. Tout à coup, elle éclata. « Ah, le misérable! Qui donc? Mais c'est lui, lui, Delmar !» Cette révélation humilia Frédéric. Il reprit. « En êtes-vous bien sûr ?»« Mais, quand je vous dis que je l'ai suivi, s'écria la Vannaz, je l'ai vu entrer. Comprenez-vous maintenant? Je devais m'y attendre, d'ailleurs. C'est moi, dans ma bêtise, qui l'ai mené chez elle. Et si vous saviez, mon Dieu! Je l'ai recueilli, je l'ai nourri, je l'ai habillée, et toutes mes démarches dans les journaux. Je l'aimais comme une mère. » Puis, avec un ricanement, « Ah, c'est qu'il faut à monsieur des robes de velours. Une spéculation de sa part, vous pensez bien. » Et elle, dire que je l'ai connue, confectionnelle de lingerie. Sans moi, plus de 20 fois, elle serait tombée dans la crotte. Mais je lui plongerai. Oh oui, je veux qu'elle crève à l'hôpital. On saura tout.